Chapitre 5e, le passé présent. Pendant qu'elle marche sous les arcades de la rue Larbi Ben Mehdi, Zahra est extrêmement préoccupée par ce que le policier appela avec mépris son fameux passé. Oui, ce passé que je croyais mort et enterré ne l'est pas. Quand une femme l'a vécu et que certains le savent et veulent utiliser ce passé sous forme de chantage, comment y échapper ? Qui serait capable de croire que je n'y ai vécu ce passé que parce que j'y fus contrainte ? Pourquoi alors tu n'as pas eu la dignité de te suicider ? M'objecterait-on avec raison ? Répondre ? J'y ai pensé, mais seul le souvenir de ma mère et de mes frères plus jeunes m'y a fait renoncer. Serait-il convaincant ? Oh que non ! On contestera. C'est une excuse hypocrite, rien d'autre. Tu devais mettre fin à ta vie, point barre. Et cette accusation semblerait à beaucoup sensée. Trop prise par ses torturantes pensées, Zahra heurte involontairement l'épaule d'une femme toute voilée en noir, venant sans saber sur le trottoir. « Hé ! » lui crie cette dernière, furieuse. « Tu es aveugle ?» Zahra s'arrête et se confond sincèrement en excuses. « Pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, c'est ma faute, je n'ai pas fait attention. »« Ah, quel pays, quel pays !» grommelle l'autre femme. « Voilà ce que c'est que de ne pas porter de voile. C'est faire étalage de ton corps pour le vendre au premier qu'il voit. Yallatif, Yallatif, protège-toi donc !» Et la femme poursuit nerveusement son chemin d'un pas cadencé de militaire. Zahra, troublée par l'incident et surtout par les paroles, regarde partir l'intégriste femme. Puis Zahra continue à marcher. « Oui, il faut se protéger, mais de mon passé. Comment ? Surtout de celui de... » La pudeur empêche Zahra de prononcer le mot. C'est qu'il est si terrible à entendre, en langage populaire. Zahra se sent tellement écrasée par cette partie de son passé qu'elle éprouve le besoin de se réfugier quelque part pour s'asseoir. Mais où ? Dans la rue ? Pas question de retourner au logis avec le poids de ce dilemme, non. Alors, où aller ? Zahra se rappelle qu'elle est femme, et une femme seule, à Oran, doit faire attention à l'endroit public où elle se trouve. Autrement, elle est prise soit pour une écervelée, soit pour une... Le mot qui ne se prononce pas. Où donc aller ? Où me réfugier ? Elle reprend sa pénible marche sur le trottoir, infiniment triste et abattue. Tout en pensant à trouver une solution, un lieu où s'asseoir, et penser à la manière de conjurer les néfastes conséquences de son honteux passé. En cheminant, elle imagine sa mère. Si elle apprend ce passé, elle en serait tellement humiliée qu'elle pourrait mettre fin à ses jours. Zahra murmure en supposant sa mère devant elle. Je te connais, maman. Tu as supporté et tu supportes encore beaucoup. Tout. Mais pas le déshonneur. Le tien ou celui de ta fille. Oui, je te comprends. Dans les mémoires de Zahra revient la pire proposition qu'un homme lui fit dans sa lamentable vie. Le chef policier lui avait dit au bureau « Tu voudrais bien, n'est-ce pas, que ton passé ne soit pas connu ?»« Certainement, » répondit Zahra. « Eh bien, » ajouta l'homme, « la décision dépend de toi. »« Comment de moi ? » s'étonna-t-elle. « Tu ne le sais pas. » lui lança-t-il avec un regard malicieux. « Non, je ne sais pas. Je te prie de me le dire. »« Passez avec moi une nuit, » déclara-t-il. Zahra le fixa d'un air effaré. « Une seule nuit, » précisa l'homme, avec une détestable grimace en guise de sourire. Zahra sentit une brusque et violente impulsion l'envahir, bondir sur l'infâme et le gifler, le frapper jusqu'à le tuer. Elle se réprima avec peine. Le policier prit cette maîtrise de Zahra sur elle-même pour une sorte d'assentiment. Encouragé, il se fit mielleux en disant « Bah, t'as bien vendu ton corps pour de l'argent auparavant, à des hommes ordinaires et vulgaires. Avec moi, c'est autre chose. » Zahra parvient à répliquer avec un apparent sang-froid. « Celle qui a vendu son corps est morte. Celle que tu as devant toi est une autre personne. »« Comment ça, une autre personne ? Ce que j'ai fait dans le passé, je n'y ai consenti que par la contrainte, et je ne me suis pas tué uniquement parce que j'ai pensé à ma mère. Cependant, à présent, je préférais mettre fin à ma vie, oui. »« Allons, allons, » répliqua le policier d'un ton goguenard. « Toi et moi, avant d'être des personnes, nous sommes des animaux. » Eh oui, des animaux. Et les animaux s'empressent à satisfaire leurs instincts. Et quel est l'instinct primordial, sinon celui qui donne le plus de joie ? Le corps. La personne que j'étais auparavant pensait ainsi, répondit Zahra. La personne que je suis maintenant pense le contraire. que la dignité humaine consiste à s'affranchir de sa condition animale. « Oh oh !» continue à plaisanter le policier. « Alors là, tu es devenu philosophe. Oh oh ! Où donc as-tu appris ça ?»« À l'école de la vie !» dit simplement Zara. L'autre s'esclaffa de rire, croyant ainsi employer une autre tactique pour séduire Zara. « Passer une nuit avec une philosophe, » dit-il, « ce serait vivre une nuit plus merveilleuse que celle des mille et une nuits. Une Scheherazade philosophe, impossible de trouver mieux. Je ne suis qu'une jeune femme contrainte à gagner sa vie pour nourrir sa famille, rien d'autre. Mon corps, je l'ai mis de côté. Si tu veux la vérité, il me dégoûte. Allons, allons, comment le miel peut-il dégoûter ?» De ses doigts charnus, le policier tambourina nerveusement sur le dessus de son bureau, ensuite déclara « Ah, les religions l'ont bien dit. Elles ont totalement raison. Il faut que les hommes veillent à ce que les femmes ne se conduisent pas comme Ève. La pomme de la connaissance, ça porte à philosopher. Dangereux, nocif pour le corps, celui des femmes, et donc pour celui des hommes. » Zara demeura sans réaction. « Allez, » insista-t-il avec une fausse bonhomie, « je suis ton chef. Et au chef, rien ne doit se refuser. Au contraire, il faut considérer ses offres comme un honneur, car c'est un honneur. « Cela m'est impossible, » s'obstina Zara avec fermeté. « Je suis ici pour travailler, rien d'autre. Et si je te disais que ma proposition fait partie de ton travail, alors je démissionnerais. Comment vivrais-tu après? Que donneras-tu à manger à ta mère ?» Zara le fixa un instant, troublé par la demande. L'autre crut avoir triomphé. Il remint à la charge. « L'amour de la maman, c'est sacré, non? Pour l'honorer, ne faut-il pas tout consentir? Pas la dignité. » Le policier braqua ses yeux droits dans ceux de Zara. Elle soutint courageusement ce regard sans broncher. Cependant, à l'intérieur d'elle-même, la sirène d'alarme se déclencha, lui hurla. « Sois sur tes gardes. L'instant est très grave. » Le corps de Zara se raidit au point de sentir une douleur aiguë dans la poitrine. « Que ferais-je s'il me saute dessus ?» Entre-temps, l'homme continuait à la dévisager. Il semblait peser le pour et le contre de l'instinct primaire qui dictait son odieux comportement. Brusquement, il se leva, puis alla jusqu'à la porte de son bureau, suivi par le regard attentif de Zara. L'homme donna le dos à la porte, et bien debout sur ses deux jambes, toisa Zara. Celle-ci, de toute son énergie, s'efforça de se maîtriser, de ne pas s'affoler, tout en étant absolument résolue à ne pas se laisser profaner. Elle remarqua le pistolet attaché à la ceinture de l'homme. « Ah, si je savais utiliser cette arme !» se reprocha-t-elle. L'homme nota son regard rivé sur l'arme. Il rigola, en dressant fièrement sa poitrine. Son caractère arrogant le trompa sur la pensée secrète de Zara. Il déclara « Ah, oui, je pourrais prendre ce pistolet et te tuer comme une mouche. Ensuite, faire de toi ce que je veux. » Elle ne répondit pas, consciente qu'il ne fallait pas provoquer l'orgueil d'un imbécile, surtout doté d'une autorité étatique et d'une arme. Zara eut l'envie de baisser les yeux pour ne plus souffrir la vue d'un monstre aussi méprisable. Elle se rétracta. Non, il pourrait interpréter l'abaissement de mon regard comme un consentement. Elle maintint ses yeux vers l'homme, avec une expression de visage résolue à ne pas se laisser faire. Soudain, le portable du policier sonna. Contrarié, celui-ci retourna à son bureau, saisit l'appareil et écouta. Quelques secondes après, il répondit avec obséquiosité « D'accord, à tout de suite. » Il déposa son téléphone et regarda de nouveau Zara. Il leva son menton vers le haut. Ses narines s'élargirent, l'attitude assumant un air hautain, et il grommela entre les dents. « Tu as quand même de la chance. Si je le voulais, je pourrais faire de toi ce que je veux, et même ensuite t'assassiner et faire disparaître ton corps. Mais j'ai ma fierté d'homme. Je préfère que la femme consente à mes désirs, sinon je n'y trouve pas de plaisir. » Connaissant suffisamment la bête à forme humaine, Zara ne sut pas comment interpréter sa dernière phrase. « Est-il sincère ? Ou il tente simplement de cacher l'échec de sa tentative en se donnant l'air d'un seigneur sachant ce qu'est l'honneur? Comment parler d'honneur avec un individu pareil? Je crois qu'il n'a pas osé mettre les mains sur moi parce qu'en ce moment, dans le pays, les révoltes populaires se multiplient partout et un incident pourrait déclencher le feu général. » Soudain, le policier se leva, comme un ressort violemment détendu, se dressa de la hauteur de son corps, 1,70 m, tous les muscles tendus, impressionnant d'énergie, de force et de puissance. Son visage prit une expression horrible. À son tour, Zara, épouvantée, se leva brusquement et recula, craignant d'être assaillie par ce qu'elle voyait comme l'incarnation de Hazrin. Oui, le cruel et impitoyable démon du châtiment. Instinctivement, elle jeta un regard vers la porte du bureau sans oser s'enfuir. Elle était consciente de l'inutilité de cette solution et surtout, elle savait que le policier pourrait juger cette fuite un défi contre lui, une humiliation, donc provoquer sa colère, et qui sait comment elle se concrétiserait. Par chance, la bête resta sur place, écumant son dépirageur, les yeux rivés sur Zara. Puis, de sa main droite, il frappa violemment le dessus de son bureau et grommela « Allez, maintenant va-t'en, avant que je change d'idée. Disparais de ma vue jusqu'à ta prochaine convocation. » Au souvenir de cette entrevue, Zara éprouva un relatif soulagement. Relatif. Elle n'est pas certaine que le libidineux agent de l'ordre respectera sa fierté d'homme. « Oh, plus vite je cesserai d'avoir des relations avec lui, mieux cela vaut. Mais comment ? Est-ce possible ?